Bien bonjour mon maï. Nous comptons être qu'écouté comme l'ambi, mais c'est que j'ai dit. La date du 28 octobre depuis 1983 est instituée journée internationale de la langue créole par plusieurs pays créolophones. Cette date est l'occasion de promouvoir la langue et d'établir des ponts entre différentes parties du monde qui partagent un socle historique et culturel commun. Ce mois-ci, l'émission Kon Lambi va tenter de sensibiliser à la question des langues créoles, langues des pays Guadeloupe, Guyane, Martinique et bien d'autres. Cet édito de Kon Lambi Musique Jeudi sera en français, mais aussi un peu martiniquais. Du coup, j'ai dit à ces affaires place langue créole là, dans musique qu'a fait les Antilles. Qui m'en y est langue langue à rouler, qui m'en y est artiste bocaille, qui m'en y est à dans musique yo. D'abord, faut que nous gardions m'en y est ces pays-là qui a géré langue créole là. En France, quel que soit le niveau d'autonomie, on pense notamment à la Polynésie et à la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, seul le français est reconnu langue officielle. Cependant, dans le cadre de la Convention internationale de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, l'enseignement des langues locales à l'école publique est favorisé et dépend des dispositifs conclus au cas par cas par l'État et les territoires concernés. L'année dernière, le 27 octobre 2015, le Sénat français a rejeté la ratification de la Charte européenne des langues régionales, estimant qu'elle était incompatible avec la République. Qui donc? Pas toutes ces mondes qui pour côté savent, c'est pas la peine attendant l'État français pour défendre et palancher langue noire. Oui, c'est nous-mêmes, un criolo local natif natal qui fait l'autre bas, qui pour djouba qui est langue. Nous pouvons bel l'honneur et respect à tout militant djoubaté, qui vous mènerait pour vous écrire la montée. Après ce petit résumé sur le statut de la langue créole en France, revenons à la musique. Les musiques antillaises sont un vecteur phare des langues créoles caribéennes, mais nous allons démontrer que ce n'est plus le cas pour le zouk. Considéré pendant longtemps comme la plus représentative, la plus emblématique, la plus populaire de la culture antillais-guyanaise. Pour illustrer mon propos, je vous propose une petite expérience. Faites un bond en arrière de 30 ans, en 1986, et faites l'inventaire de 40 interprètes différents qui ont fait un morceau de zouk cette année-là. Vous verrez que le créole est la langue principalement employée dans plus de 90% des chansons de cette époque. Revenez maintenant en 2016, et prenez une compilation de zouk parue pendant les grandes vacances, regroupant une quarantaine d'interprètes en grande majorité originaires des Antilles Guyanes, et vous verrez que sur 39 morceaux, 5 seulement seront chantés intégralement en langue créole et 13 auront quelques phrases en créole placées en refrain ou à la fin. En l'espace de 30 ans donc, le zouk est passé de vecteur majeur d'expression créolophone à musique d'expression française comme une autre. On expliquera ce tel phénomène en disant que les artistes zouk ont eu besoin de toucher un public plus large, la francophonie représentant un marché de plus de 200 millions d'auditeurs. Mais c'est paradoxal, puisque c'est bel et bien avec la langue créole que le zouk a eu ses plus grands succès. Et aujourd'hui, les artistes de la nouvelle génération zouk soucieux de la langue créole dans leur musique sont les moins médiatisés. Par ailleurs, le 4 octobre prochain, le Sénat va examiner un projet d'amendement qui souhaite instaurer dans les radios un quota de diffusion de 4% d'œuvres musicales interprétées dans une langue régionale en France, en plus des 40% de chansons en langue française. Au-delà des levées de boucliers des professionnels de la radio et de certaines considérations émises par la presse française sur ce sujet, qui continue à assimiler les cultures dites minoritaires à des folklores sans grand intérêt, et trahissant une vision du monde condescendante, exclusive, pour ne pas dire coloniale et impérialiste, on peut affirmer sans aucun doute que le zouk d'aujourd'hui dans son ensemble n'aura nullement besoin de ce quota. Il n'en reste pas moins que les musiques estampillées musique urbaine des Antilles, reggae dancehall, le rap, toutes tendances confondues, sont encore un espace où les langues créoles s'imposent, même si elles y sont fortement influencées, on pourrait dire malmenées, par le contexte actuel de l'uniformisation des cultures et le manque d'institutions locales fortes dédiées à la promotion de la langue créole. Le parler employé dans ces musiques est à l'image de notre époque, marqué par une tendance à l'ouverture au monde, à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, et par la forte mobilité et le brassage des individus. Ainsi, nous pouvons trouver en dancehall et en rap des artistes martiniquais comme Kalash, qui récemment a fait un tube en créole guadeloupéen, ou des artistes comme Pompis, qui a un père guadeloupéen qui a vécu en Guyane et en Martinique, qui emploie une langue mélangeant plusieurs créoles. Une question peut alors se poser. Le créole dans la musique, à terme, deviendra-t-il seulement utilitaire, servi uniquement pour des finalités esthétiques et des positionnements stratégiques, ou va-t-il continuer à être le vecteur de l'identité d'un peuple ? Le sujet est vaste. Aujourd'hui, il ne s'agit que d'une introduction et mérite d'être approfondi. Nous allons terminer en méditant les propos de l'une des plus grandes chanteuses de zouk de l'histoire, Jocelyne Berroir, du groupe Kassav. Moi, je me suis pas battue pour être le plus grand groupe français. Je me suis battue pour qu'on écoute ma musique. Je me suis battue pour que le créole ne meure pas. Je me suis battue parce que j'aime cette langue et que dans mes écrits, je fais l'effort de respecter cette langue, de redonner aux gens la possibilité de réentendre le vocabulaire qu'ils oublient, etc., etc., etc. Je me suis battue contre l'éducation que j'ai reçue pour retrouver mon essence, mon moi-même. Je ne me suis pas battue pour être le meilleur groupe français, je m'en fous d'être le plus grand groupe français. Et que les autres ne me reconnaissent pas comme étant le plus grand groupe, je m'en surcontrefous aussi. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on est allé en tant que Kassav avec les premiers albums proposés aux majors ici, nos produits, ils nous ont dit c'est trop ethnique. Et on n'a pas cherché à leur plaire. On est parti ailleurs parce que le monde est grand. Et que ce monde nous a ouvert les bras. Et que quand le monde nous a ouvert les bras, c'est-à-dire l'Afrique, après les Antilles, l'Afrique nous a ouvert les bras, que ça représentait des millions de personnes, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais tous les pays, je veux dire, où on est allé, les pays lusophones, l'Angola, le machin, en 85, on a été invité dans un tas de pays africains, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Cameroun, etc., etc., etc. Et je veux dire, la France s'est dit, mais on est en train de passer à côté de quelque chose. Mais en fait, quand les majors sont venus, c'est parce qu'ils ont une bonne calculette. C'est pas parce qu'ils nous aimaient plus que ça. C'est pas parce qu'ils aimaient plus notre musique. Mais si en pile, mais si en chaille, c'était l'édito de LAVWA, La Voix, pour Conlambi, Music Jeudi. Laissez-moi si la ligne, si la terre s'en combine, on doit balbuter en ville, on pas besoin d'adrénaline à yo maman, né à la jeunesse plein farine. Dans you pour y'en pas débile. Mais les nous qu'a parlé des crimes. Exemple à yo maman, pas meilleur. Y'a c'est non. L'enfer c'est la terre. L'argent en misère. Mon monde veut pas quoi moi. Y'a c'est non. Nos mêmes est la guerre. You dit frère et sœur. Mais nous pas solidaires. Y'a c'est non. L'enfer c'est la terre. L'argent en misère. Mon monde veut pas quoi moi. Nous même est la guerre. You dit frère et sœur. Mais nous pas solidaires. Laissez-moi si la ligne. Pas parler bon moi. laissez-moi tranquille. Parce qu'on avait des mots imbéciles. Puis dangereux qui soldat avec carabine. Vous faites feeling et vous la frime. Le premier douvant dans la file. Vous baillez une pièce et baillez une palle. Vous déconnectez et pas en ligne. L'enfer c'est la terre, la jambe en misère, mon monde veut pas quoi moi. Non même la guerre, la guerre, you dit frère c'est non, mais nous pas solidaire. L'enfer c'est la terre, l'enfer, la jambe en misère, la jambe, mon monde veut pas quoi moi. Non même la guerre, you dit frère c'est. Mais nous pas solidaire. Comment? À nous prendre des minutes. Stop. Est-ce qu'on a songé quoi d'a en époque? Parce que ces jours-là, ça m'ouen sous le choc. Mais à tes fesses, sans les hein, mal propre. Car la voisine qui dit, on t'y salope. Car maman qui dit, c'est pas ma faute. Et puis Big Lac a crié, changer, qui bite man, yo vedo. Et comme les politiques, yo yo fait les votes. Et ben, tout butin qui fait zéro faute. Pas ni débouché, juste en Europe. Mais vous, c'est chin chin, ouais, à la vote. Il y a pas chômage, c'est les menottes. Guadacar, fou de la dope. C'est mes CV manger, donc yo ca work. Ici, y'en tombé, des menottes. On a sérieux, ouais, nouvelle époque. M'as-tu vu, moi je suis au top. Tout bité à crédit, mon pote. En idée boîte, il met en caille pour note. Consommer à ouais, non-stop. Pour paraître grand, si à les autres. Nègre marron, ça pas en mode. Je dis, c'est plutôt marché si les autres. Y'a ce nom. L'enfer, c'est la terre. La jambe en misère. Mon monde veut pas, quoi, moi. Y'a ce nom. Non, même la guerre. Bonjour à tous, vous êtes dans Codenambi, musique jeudi, premier dimanche de chaque mois sur Radio FPP, émission consacrée aux musiques actuelles de la Martinique, de la Guadeloupe et plus largement des pays créolophones. Et c'est le mois du créole en octobre, on va consacrer l'émission au créole, à la présence du créole dans la musique actuelle, au rôle de l'écriture en créole. Vous avez entendu un premier morceau inédit, c'était l'œuvre de Fripon, le morceau s'appelle La Ligne et il est extrait de deux projets. D'abord le documentaire Karukera, un documentaire excellent sur la violence en Guadeloupe. Il n'est pas encore, il me semble, totalement distribué, il y a en ce moment en Guadeloupe une petite tournée du réalisateur pour trouver des financements et des possibilités de distribution. J'ai eu l'occasion de le voir un peu par accident sur le net. Je vous conseille le documentaire Karukera qui permet d'avoir des acteurs assez différents des reportages qu'on peut voir un peu trop souvent sur les chaînes françaises. Et deuxième projet, c'est l'album de Fripon qui est en préparation. On remercie Fripon qui nous a partagé cet inédit. On poursuit avec un remix totalement en créole, même si le titre ne le montre pas. Higher Remix, c'est Sébastien Drumeau et le rappeur Débrouillard. Yeah. Un cas flotté en ciel, ouais, ouais. Un presque au nuage, un cas palé avec des étoiles, ouais. Un cas fait miracle, bébé, ou tellement belle, belle, ouais. Ou presque au mirage, en rien, ou à soleil, ouais. Un cas pour pays là, pour payer la loue, d'être la cartonnée. Qu'on a dans le virage, on y a un tchad interminable. Un pas qu'à vrai rivage, comme moi là, l'esprit j'a allé. Ou 23ème, c'est là, à d'un bouffé à la fumée. Un cas refait vie là. Pierre mais sable, l'esprit en moi j'apparti, yeah. En cas vrai, vie en moi qu'a défilé vite qu'on s'y a mis la lait. Au soir la ligne la qu'a clairé tellement, ou de dire à Nijalè. En comprendre c'était soleil seulement, mais en cas senti énergie à l'air. Vie la trop courte, on nous profiter. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, j'y mets la langue, est-ce que mon Dieu gâteau? Chaque prière en moi, qu'a financeur. Vie la trop courte, on nous profiter. Oh Lord, oh Lord, j'y mets la langue, est-ce que mon Dieu gâteau? Chaque prière en moi, qu'a financeur. Pas à si on gâte en moi, le moins qu'a crié. Lâche les bras en ciel, ou qu'un peu moins, parce que tous les jours, moins qu'à courir, qu'on fout, qu'à chèche promès. Si de lè mwen karive tan fou, mwen nan l'envol evè. Vila ton foud, mwen ve profite. Oh Lord, oh Lord, je mets la langue et vous mets mon carton. Peut-être où je réponds et moi je vais pas comprendre. Puis la trompe coûte, moi je vais profiter. Oh Lord, oh Lord, je mets la langue et vous mets mon carton. Peut-être où je réponds et moi je vais pas comprendre. C'est qu'il y a envie de évoluer. Ouais. Et pour au lieu, aux Français, aider la jeunesse pour travailler, pour gagner un pion. Parce que bon Dieu, il faut travailler avec soit des trois fois pour gagner un pion. Et mais si vous ne travaillez pas avec soit des trois fois, qui va nous gagner un pion pour moi? Hein? Non, vous ne pouvez pas, faut travailler pour gagner un pion. Yoga parle, yoga travaille, yoga parle, yoga travaille, y'a parlé, n'a pas travaillé, y'a parlé, n'a pas travaillé, yoga parle, yoga travaille, yoga parle, yoga travaille, y'a parlé, n'a pas travaillé, y'a parlé, n'a pas travaillé, y'a parlé, n'a pas travaillé, y'a parlé, n'a pas travaillé, y'a parlé, n'a pas travaillé, y'a parlé, n'a pas travaillé, y'a parlé, n'a pas travaillé, y'a parlé, n'a pas travaillé, y'a parlé, n'a pas travaillé, y'a parlé, n'a pas travaillé, y'a pas la famille, sac passé jeudi, mon flé fait money, sans souhait, sans souci, mais à part ça. C'est qu'à fait, en vrai, on le prend raccourci. Hey, you prend des belles soucis, tête, ni courri, mais ni la sauce. Hey, respect pour Saki, capote et gambou. Nourris en famille, et fait projet, vrai, joue vision et détermination. Toujours qu'à marcher à Samsi. Outre biche, pas oublié, panifique, toi, c'est péripétie. Hey, nous savent parole en bouche, pas charge. Et quel homme a pas l'âge. Alors tout pendant nos vivants. Nous pas ni choix se fait d'ouvant. Le joint et puis tribulation. C'est que la vie est baron les sons. Fais ça au pays. Même si derrière où ça manque pas l'idée. Yoga parle, yoga travaille. Yoga parle, yoga travaille. Y'a parlé, n'a pas travaillé. Y'a parlé, n'a pas travaillé. Yoga parle, yoga travaille. Yoga parle, yoga travaille. Y'a parlé, n'a pas travaillé. Y'a parlé, n'a pas travaillé. Y'a parlé, n'a pas travaillé. Y'a parlé, n'a pas travaillé. Y'a parlé, n'a pas travaillé. Y'a parlé, n'a pas travaillé. Y'a parlé, n'a pas travaillé. Y'a parlé, n'a pas travaillé. Y'a parlé, n'a pas travaillé. Y'a parlé, n'a pas travaillé. Le monde fait pas un cool parce que soleil la raide, mais nous-mêmes, nous à tout, parce que faut nous porter mon aide. Ah ouais. Si on pas les médias, fais-la, manger la pique et cuite. Si on pas mettre une pression, bouge la pique pour ballon. Les bons, c'est qu'à parler, nous pas qu'à t'aller pour nous aller live et nous aller bien achat. Café fou là, ban nous l'est pour nous passer. Nous-mêmes, nous j'en ai assez. Des mouns qui n'ont pas les, ban nous la qu'à forcer. Mais j'en là, nous qu'ai laissé. Bon, c'est qu'à préquer en nous. Jésus-Christ qui a ban nous charbon. Pas besoin aux révélations. Couper ça, c'est vie prochain out. L'église, pas besoin spectateur. Tu veux un plus acteur, l'air qu'on croit dans l'éternel. Ou peut pas tourner en wow. Et l'air qu'on travaille, faut toujours pour un capé. Oui, c'est oui, non, c'est non. Pas ma moun chaîne bon. Wash nous résistant contre ta bou combo. Olé nous aïe voler. Quand vous gommez vélo, en préféré aïe van go. Yoga parle, yoga travaille. Yoga parle, yoga travaille. Y'a parlé, n'a travaille. Y'a parlé, n'a travaille. Yoga parle. Yoga parle, nous qu'à travail, y'a parlé, n'a pas travail. Le groupe Benaja, composé de Fola et de Williams Café, rend hommage à la communauté haïtienne en Guadeloupe. Et on rappelle évidemment qu'on dit souvent le créole, mais il y a presque autant de créoles qu'il y a de pays créolophones. Donc y'a parlé, n'a pas travail, expression créole haïtien, chantée par deux rappeurs guadeloupéens. Et on va entendre cette fois sur du zouk, même s'il y a une petite touche de compas, puisqu'on critique souvent le zouk moderne de chanter essentiellement en français, on aura le temps de développer ce point. On va écouter un titre de Karine, la reine du R&B français pour ceux qui connaissent et qui s'est retournée vers ses racines guyanaises caribéennes, qui fait dialoguer le créole guyanais et le créole martiniquais sur le titre « Pas si mauvais ». la vivre notre amour. Mais toi, tu ne le vois pas. Je suis fatiguée d'être ta roue de secours. Je ne peux plus vivre comme ça. Je m'appelle que pour me faire l'amour. Je suis pas une teinte déjà. Si je pars, je plus demi-tour. Alors s'il te plaît, dis-moi. Dis-moi pas des rideaux, c'est déjà moi qui va bon. Et pourtant c'est moi ou l'est. Yo dis ou pas mérité moins, c'est ton cher qui pas bon. Écoutant à ton mollet, oh non. Tout qu'un l'envoi maladrette. Mon cabéré y'est qu'a dit à toi qui mauvais. Moi pas si mauvais. Je t'aime fort mais à sa sens unique. Où sont ces moments où j'ai des tableaux magiques. Je perds mon cœur sans toi, moi. J'ai tout misé sur toi. Quand tu fais le MG, mais me respecter, c'est te respecter. Mon cœur se bat dans tous les sens. Si le tien est en guerre, on n'a aucune chance. Dis-moi pas des rideaux, c'est déjà moi qui va bon. Et pourtant, c'est moi ou l'est. Moi ni l'amour, maladoué. Ou capteré, yo capi, c'est moi qui mauvais. L'artiste, poète, slameur, parolier, et qu'on a reçu également dans l'émission en tant qu'auteur du premier roman thriller créole qui s'appelle Diablesse, qu'on vous conseille, il s'appelle Timalo. On va l'entendre par plusieurs intermédiaires dans cette émission. Il a pris à partie les chanteurs de Zouk Love dans cet article. Toi, auteur de Zouk, écoute Jocelyne Béroir, je vais vous en faire une petite lecture. Je sais, tu vas me dire que tu as déjà écouté, que tu connais déjà, mais permets-moi d'insister. Car quand tu as sous la main des œuvres, comme les textes de cette grande dame qu'est Jocelyne Béroir, ça serait dommage de ne pas s'appuyer dessus. Je te préviens tout de suite qu'on va éviter les clichés sexistes du style « Elle connaît le cœur des femmes » ou « Une écriture féminine » et autres billevesées. Je parle simplement de la qualité de son écriture. Première observation, la narration. Jocelyne Béroir arrive à te raconter quelque chose, te mettre dans un état d'esprit en une demi-strophe. Extrait de Mauvais Jou, Soti di Cabane, moi mâché en léopinèse, qui tombait di photo nomlan, moi pas ni nouvelle, dépi des simènes. Soti di Cabane, moi mâché en léopinèse, aïe, qui tombait di photo nomlan. On n'est pas encore au refrain, mais on a déjà une situation initiale, un incident et un background. C'est pas formidable ? Par ailleurs, Madame Béroir n'a pas son pareil pour la métaphore. Par exemple, dans Chawa, elle écrit « Dépitant, dépitant moi qu'a signalisé, fait détresse pour assistance, appel de phare, bat chez moi d'en bras. » À ce stade, ce n'est pas une métaphore, c'est une allégorie, mais elle continue. Moins content, je dis à Oufrenet, aïe, tu es moins au ralenti, passez première, Missa Woupati. Ainsi de suite, pendant encore un autre couplet. Là, ce n'est plus une allégorie, c'est une métaphore filée. Mais ce n'est pas tout. Jocelyne Béroir a saisi le goût pour l'hyperbole qui est inhérent à la langue créole. Ainsi, quand dans le morceau « Sakitala », elle écrit « Moi d'accord, basseur volant fil pour y peut monter, serré derrière nuage, prends zoué l'épilaline, danser en les étoiles et voler, voler. » Déjà là, il y a métaphore filée, métonymie et hyperbole. Et juste après, elle retourne la situation avec une antithèse. Moi, Léo, doux bout devant moi, Léo, qu'a mâché bon moi, s'il vous plaît, gêné un petit brin, gêné un petit brin. C'est balèze. Je sais que c'est difficile de se hisser jusqu'à ce niveau. Moi-même, je me bats. Mais s'il te plaît, auteur de Zouk, gêné en tibrin. Texte de Timalo, et on rappelle que Jocelyne Béroir est la chanteuse du groupe Kassav, qui est l'inventeur du Zouk. On va revenir à notre sélection de nouveautés, d'actualités. On reste dans l'actualité et on poursuit tout de suite avec un titre d'une chanteuse martiniquaise qui mélange anglais et créole sur le titre 11 o'clock, c'est Lovely. Si on parle de titres en créole, on ne peut pas ne pas citer l'un des derniers gros tubes en créole qui a explosé à l'échelle nationale. Ça s'appelle Bando, le chanteur s'appelle Kalash, qui a subi quelques polémiques, notamment par rapport au fait qu'il utilisait du créole guadeloupéen alors qu'il est martiniquais. Mais on précise qu'il a également placé, en plus d'exploser au niveau national français en étant signé sur une major, il a placé un titre en créole sur le Crown Love Rhythm, un rhythm jamaïcain, où il a notamment l'énorme tube de Tarus Riley, et c'est le seul créolophone sur ce rhythm. On va tout de suite écouter Guapa de Kalash. Hey Russia, battle a money a program. Men ay pi loin ki Taiwan. Ah ah. Wind up me baby, mette moi eyes. Dévaste moi kon l'armé. Tsunami. Oh man, me love so. Ah. Everything nice, I'm not dying Colombia. Café, mon plan est qu'on amnésia. One in a billion, guapa. On nous fly, señorita. C'est ton talent, you moving in. Laissez-moi soigner aux musiques codéine. Moi, c'est un artiste, moi qui bat un volé rime. Maintenant, Medellin, girl. Moi, quoi qu'un animal, bon, fait Elin. Et soja, ici la ligne. Puni pète tout stress sans aller pour l'île. Copine nous j'a dit ou fuck ou follow him. Girl follow me. Mais madame Bendo sa dos sa clean. Ah, everything nice. On nous taille Colombia. Bad girl café. Moi plané qu'on amnésia. One in a billion. One in a billion. Guapa. On nous fly señorita. Love your body girl, yeah me love your body girl. A peine levé les bons matins, on vient te forge. On qu'a mettre aussi piédestal. Descend quand t'es gana sans escale. Yo dis-moi où man t'as là, c'est en danger. La vie ou pas t'es facile, ça qu'est changé. Moi pas qu'à vendre mes pans en pire. Dis-moi où pas bise méfier. Ah, everything nice, on nous taille Colombia. Mon plan est pour amnésia. One in a billion, one in a billion, guapa. On nous fly, señorita. A la sortie, Cairo shine. Wind up me, baby, mettez-moi high. Dévastez-moi qu'on l'arme. Tsunami. It's Mr. Ane la matin, an apren François, an redi bok ay mwen, an pati wè la France an fwa, an voyaje kan men, an wè kwa da de fwa, an pa jamen yon vie pou mounen sa pa men man fwa. Merci mami, merci maman, merci. Jodi an mwen yon ka mache dwet merci. Merci mami, merci maman, merci. Edukasyon an bien meye ou peyi. Fouti bè, an sa vi ka soufè. Papa ka koupan goumane nou ka fe betizadan. Matini tu leve, peu importe ki président. Top je m'en foutis, top je lance évidemment. Arrêtez dit les jeunes mauvais. Bagay ka ale mal depuis l'année. La sphère en tête en lèf, oui c'est échec là. Zot sa très bien ki sa ki base problème là. Fouti belle, en sa vie ka souffert. Il nie tout en lèf. En paix bateau, mais on remet l'emmeille. Moi, en fausse, on s'est dit, les médias, les y'en paye. Qui le mal, y'a d'autres, ni m'en parler, DJ. Madame, nous pas qu'elle reste comme ça, on nous boumé. garder bien géré, comment est l'argent qu'a dépensé. Ces jeunes n'en nous pas couillon, donc faut pas nous abandonner. Plus importe la joue pas coûter, ça s'attend qu'à chantonner. Fouti belle, dans sa vie qu'a souffert. C'est la reprise, donc vous avez pu entendre quelques titres qui ont été des tubes de ses vacances aux Antilles avec Karine Meini, évidemment Guapa de Kalash. Et un des autres gros tubes qu'on n'a pas joué, c'était Mister SM qu'on vient d'entendre. Il a fait un gros tube avec le morceau Policeman, là c'était un autre titre, Martinique. Et il chantait encore une fois la Martinique en créole, parce qu'on parle du zouk, mais il faut savoir que dans le raga, et anciennement raga et reggae dancehall, le créole a toujours été la langue de prédilection aux Antilles. Mister SM et son collectif s'appelle Trucha Gang. Ils sortent des choses pas mal à suivre. Et après la Martinique, un rappeur va cette fois chanter la Guadeloupe avec le titre Guada Blues. Il s'appelle McFla. La musique est extraite de son projet Flex, une mixtape que vous pouvez aller télécharger gratuitement, où il rappe sur les beats d'Exos. Je vous invite à aller écouter ça tout de suite. Guada Blues. Yes, yes, Guadeloupe, Guada, Guadeloupe en aimé, mettez-les en trice, Guada Blues, check. A qu'à songer, t'en la ou en Guada, la ville a t'es plus douce. A qu'à m'en dire, bon Dieu, si peut bon ou un coup de pouce. Nèk a tué nèk, c'est ça nous qu'a fait tous les jours. Solution là, attend nous et attend y'en yon l'homme. Chaque monde peut faire un beat, chaque monde peut faire une différence. Nous peut pas compter si yo, politico ou bien la France. En ZHN, sans nous tout, pas tout en cap et flamme. Diabla, cabala, riche, nos passages y caprenant. Je dis ni bon question, mais pas n'y ont l'eau réponse. On l'a qu'à prendre pression, on l'a choisi la défense. Système là qu'a fabriqué, on l'a monce, on l'a erré. Des fois en nous, c'est lité pour mon appétit, bon meilleur. Yes, nous tous ces frères et c'est, nous tous ces mêmes bitins là. Nous tous ni quoi à chahier, qu'à marcher. Si chimène là, nous pas certains des aïe, mais nous peut pas calaguer. Demain pas chan garanti, c'est l'histoire nous qu'a marqué. Guadeloupe, l'amour seulement que nous n'y bat. Tous les jours qu'on va nous là qu'à travail bas. Nous qu'a fait ça nous fait pour oublier constat. Son la qu'a sorti douette de bouche à Timounao. Guadeloupe, l'amour seulement que nous n'y bat. Tous les jours qu'on va nous là qu'à travail bas. Nous qu'a fait ça nous fait pour oublier constat. Son la qu'a sorti douette de bouche à Timounao. Après le reggae dancehall, c'est le hip hop créole qui évidemment fait honneur à cette langue, le créole, et le hip-hop créole qui est pas mal supplanté aujourd'hui par la trap, qui malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, eh bien, utilise aussi le créole. On va écouter un titre qui fait écho à un fait divers, un crime violent qui a eu lieu en Guadeloupe et qui a vraiment été la goutte d'eau qui a fait réagir beaucoup de monde et qui a aussi fait qu'on a pointé du doigt pas mal d'artistes, de chanteurs, de trap. Dali, le rappeur de Guadeloupe, a fait un morceau qui a pas mal marché qui s'appelle 100. Et cette fois, il en a fait 100 S-A-N-G. Il en a fait le remix où il n'apparaît pas, mais il a invité plusieurs artistes qu'on n'avait pas l'habitude de voir parfois ensemble. Je viens citer Kérosène, Warped, Laïta, Arsoniste, Drex. Il y en a d'autres. On écoute tout de suite le titre 100. Combien t'es monnaie pour moi? Pour qu'elles autres prennent conscience. Sang qui est toujours coulé, si fraîche a écoulé. Et en sensé pédé que tout ça a donc couplé. En cas volé, gros en coupé. Les pitiés a troupé. Si bloc ou bien katap, j'ai katan sous faillot couplé. La vérité c'est que maman fait 5 timoun pour alors que râle bol. Fait que papa n'ayé en alcool et pas bol. Depuis l'école en j'ai casserole. Flashball, la police j'abat moi et ma top. Man kaga des chantes préférées, mais c'est YouTube. Frère l'a dit, kaba moun tu. Que gang la monstre, toujours d'actu pour les tueries. Faut arriver sans mieux, moins tuer, moins même un tube. Passe envers moi pour moun pas faire bon geste. Et moi non plus sans rien à foutre de base. Ça pas qu'à intégrer, c'est moi qui travaille en bus. Elle fait drogue, en 7 heures que Marilia. Combien faut aimer pour moi? Pour que nous prenons conscience. Pour moun pas qu'à faire fort, mais toujours qu'à plein nous, que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance, tout le monde a subi violence là en silence. Sang qui est toujours coulé. Mais combien faut unir pour moi, pour que nous prenions conscience. Bon monde pas qu'à faire femme, mais toujours qu'à plaigner que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance, tout le monde a subi violence là en silence. Sang qui est toujours coulé. A pas laisser ça couler, A parler, mon ka sorti ka goulé. L'autre que ça pas ka roulé, l'autre nous ka tué nous pour mon fucking coulé. Pis sa kay pis ka coulé, pis tini famille qui ka plongé en doule. Faut nous prendre conscience que tout le monde ka parti qu'on vole. Mais qui la gel qui dewa. Faut nous montrer yo que nous faut. Et que nous ça fait effort pour nous essayer corriger tout ça y paron. Nous tout conscient que y j'attend. Ça a tiré depuis trop longtemps. Il j'allais pour nous ressaisir nous. Si nous pas fait pour mon péché fait ben nous. Combien fois il est pour moi. Pour que nous prenions conscience. Pour mon pas qu'à faire effort. Mais toujours qu'à peine nous que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance. Tout le monde qui a subi violence là en silence. Ça qui est toujours coulé. Combien fois il est pour moi. Pour que nous prenions conscience. Pour nous pas qu'à faire effort. Mais toujours qu'à plein mieux que jeunesse en nous en ignorance. Éducation ni en défaillance. Tout le monde qui a subi violence là en silence. Sans qu'il est toujours coulé. Nous qu'à marcher physique. D'accord, nous qu'à y à la chasse. Pas savoir mes mains en mal. L'ayant gardé mains en face. On y outi qu'à grandir. Vaut mieux mettre projet en place. Aucun regret du passé. En grandissant, on s'en lasse. Depuis l'âge de 13 ans, jeunesse en nous la cabre. Et j'ai goûté tout bidin. Les médias t'es toujours là pour critiquer nous. En life, en nous, yo t'es fait mettre un frein. Entre négro, nous toujours qu'à entretuer nous. On bidin qui pas vaut rien. Elle a puis toute jeune qui partit trop grand. On n'est qu'à posséder les qu'elle l'a passé. L'histoire se répète et les jours se ressemblent. Nous qu'a fait nous la guerre au lieu nous travailler ensemble. Ton petit frère qui a mort d'autre qui a rentré la joie la laisse à vie un jour. On revient à l'artiste Thierry Malo qui a réalisé un exposé brillant intitulé « Écrire en langue dominée ». Et on va écouter un petit extrait. Je vous invite à aller voir la vidéo qui est disponible sur YouTube. Écrire en langue dominée, Thierry Malo. C'était au TEDx de Pointe-à-Pitre qui va nous parler un peu de l'importance de raconter en créole et la représentation qu'on se fait du créole. On l'écoute tout de suite. Et là, je me rends compte encore d'une autre chose. C'est qu'il y a une différence, mais alors une différence nette, en dehors de la tradition, hein, de la façon dont on raconte et la façon dont on croit qu'on raconte. Alors pour vous donner un exemple, je vais vous raconter quelque chose. Alors, je vais raconter une blague que je raconte à mes potes, que mes potes connaissent. Donc je vais vous raconter l'histoire de Fabrice et un guépard. Donc son bourg, quand je n'ai pas son mien, il a dit, « Hey, Fabrice, l'autre pour vous, où l'autre est-il ?» En partant là, Timal, au Kenya, ils font safari. Ouais, ils font safari au Kenya, ouais, Timal. T'as ton jeep, t'as ton fusil, juste vont au guépard. Attends, attends. Ou t'as ton fusil, ou tirer sur un guépard? Non, c'est-à-dire que bon, fusil là, pas t'es qu'à marcher. Donc, bon, à mettre moi qu'à courir. Attends, attends. Guépard, c'est mettre qu'à courir, puis vite, la tête, Timal. Qui j'ai fait pas pour nous? Non, mais c'est-à-dire que t'as ton pied bois, donc, en montée à dents. Non, mais. Attends, mais guépard, c'est là, ça chatte, ça monte en pied bois, en fait, ils ont fait pas pour nous. Et là, on a des ziblans qui ont dit, attends, ou pour guépard là, ou bon pour moi. Et donc, ça, c'est comme ça que moi, je raconte quand je raconte des trucs à mes potes, tu vois. Et il y a la façon dont on croit qu'on raconte. Tu vois, par exemple, à la façon de Tifabrice. Fabrice, on a oublié. Je te dis pas, si je te dis, tu vas me donner un gros coup de poing derrière mon tête. Non, Fabrice, ça m'est pas au coup, dis-moi là où tu es. Eh bien, je te dis, hein. J'étais au Kenya, j'ai vu un guépard, j'ai couru tantana. Ça, c'est la façon de Fabrice. On a aussi la façon bostique. Alors. Messieurs et dames, arrivé à la rue La Pointe, Je vous avez vos amis, c'est Fabrice. Fabrice, c'est une chimiste. Chimiste à Fabrice, c'est pour un guépard. Fabrice, c'est un senti. Senti à Fabrice, c'est pour un guépard. Fabrice, c'est un pantalon, pas de délai. Pantalon, pas de délai, Fabrice, c'est pour un guépard. Fabrice, t'as un père mon cassé. Père mon cassé à Fabrice, un poids. Non, un poids serpent. Et donc, ça, c'est la façon bostique. Et qu'est-ce qu'on remarque avec ces deux personnages? C'est que d'une part, c'est du comique d'exagération. Et d'autre part, ce sont des personnages qui sont quand même issus des années 70. Donc, on ne croise pas vraiment de bostique dans la rue de nos jours. Ou si peu. Alors évidemment, il ne s'agit pas de blâmer les acteurs et les auteurs qui ont créé ces personnages. D'une part, il fallait bien commencer quelque part. Mais le souci, c'est qu'à force de n'avoir que ces représentations-là, de notre façon de raconter dans nos têtes, du coup, dès qu'on a envie de faire un truc sérieux, dès qu'on a envie de raconter quelque chose d'important, tu vois, on préfère apprendre le français. Tu arrives, tu fais une TED, bon, tu fais en français, tu vois. Tu vois, parce qu'en fait, c'est sérieux. Et donc, dans ta tête, la représentation du créole, c'est le comique, c'est l'exagération, etc. quoi. Et donc, du coup, tu empruntes l'autoroute que te fournit la langue dominante. Quoi. Voilà. Et résultat, à force de ne pas parler ta langue, tu finis par ne plus être capable de t'exprimer dans cette langue. Et tu t'en rends pas compte forcément au départ. Imaginez-vous, la mère de Roseau vit en Guadeloupe. Et voilà, quoi, on l'accompagne dans une foire agricole qui se fait régulièrement ici. On l'accompagne dans une foire agricole. Et là, elle tombe sur une entreprise qui fabrique du vinaigre à base de groseille. Et elle me dit, tiens, ça l'intéresse. Donc je demande au jeune homme qui est là, voilà, la mère de Roseau est intéressée par ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais lui expliquer en anglais ou en créole, parce qu'elle ne parle pas français. Elle me dit, oui, en créole, pas de problème. Et donc le gars commence, ouais, donc on va prendre groseille là, on va faire ça, et puis là, c'est qu'à bafouiller qu'on bétonnier. Et là, je vois la consternation sur le visage du jeune homme, je vois la tristesse de se rendre compte qu'il n'arrive pas à expliquer quelque chose qu'il aime, quelque chose qui est son métier, il n'arrive pas à l'expliquer en créole. Donc, si j'ai une chose à vous demander, c'est de faire l'effort, ouais, l'effort, quand vous rentrez chez vous, de temps en temps, de raconter votre journée à votre mari, à votre épouse, à vos enfants, racontez votre journée du début à la fin en créole. Et si le cœur vous en dit, essayez de vérifier votre vocabulaire dans un dictionnaire ou de vous poser des questions. Tiens, cette locution-là, cette façon de s'exprimer, est-ce que c'est vraiment ma façon de parler? Parce qu'en fait, cette difficulté qu'on a à raconter, c'est quelque chose qui nous concerne tous finalement. On a tous à raconter. Raconter, c'est quoi? C'est dire, il s'est passé ça, ensuite il s'est passé ça, et puis quand il y a eu ça, il y a eu ça. Donc, ça, c'est la structure de base de raconter une histoire. Ou alors, c'est comme une recette de cuisine. Une recette de cuisine, tu vois, raconter les dombrés, bon, d'abord tu fais ça, ensuite tu fais ça. Expliquer ça, raconter ça, c'est déjà la base de trouver comment on raconte dans notre langue, qui est la nôtre, notre langue authentique, c'est-à-dire notre langue personnelle. On a chacun notre langue personnelle. Et donc moi, c'est ça que j'ai envie de vous demander, parce que avec cette diversité d'expressions-là, avec cette diversité de façons de raconter, c'est la diversité de la langue qu'on apporte. Et cette diversité de la langue, je pense qu'elle est nécessaire pour la pluralité du monde. Merci. Le créole peut être pur ou les créoles peuvent se mélanger. Le créole peut être traditionnel ou plus moderne. Ça peut être aussi le long de tout un texte ou simplement par un sample, un petit échantillon, comme vous venez de l'entendre sur le morceau « Pas viré métier » du Spirit Up Trio mené par Jimmy Felvia avec ce sample de la voix de Tiraoul. Et je vous invite à aller sur YouTube à voir ce magnifique clip qui est sorti cette semaine du Spirit Up Trio. Et on va rester dans ce même esprit avec simplement un sample, mais cette fois on ira lorgner vers le gros cas avec le DJ Motsek. DJ Motsek qui mélange beaucoup de choses, il faut absolument vous renseigner. Il est, au moment où je vous parle, en prestation au Théâtre du Renard pour une brunch party avec en showcase Jean-Claude Nemro, Jacob Desvarieux du groupe Cassave et l'humoriste Gilles Saint-Louis. On écoute Emma Mix de Motsek. I'm not afraid to die. si ta koute Good boy, DJ ka chate Le plak a apresye Bad boy, DJ ka krasé Ka il a gabri dite Me depi fok a pike Je vais y en mic yo dim kavreye twok dife Ni konbien ki te le kopye Reveye yo aidomi Jodi mo vin pale di yon bagay mwen nom konstate Tout passif ple kontan le reggae dans sol ka jwe Ni ka jwe yon son nan boit I jis demokratize Oui me ini sa ki ka vremen fey ale Yo ka jwe yon dans travail la se yon le badness yo ye Mwene sa ti yo ka fok konsyans ni ti mo ma y ka koute Rien ki alcool le pi sex la radio kon la tele Yo pale kwe fos nou se yon nation wedike Le pionier te sa suivi Va yo moment de respect plus force pas tout ça qui goûte pour mouvement avancer un big up balle massive là qui toujours supporté derrière mec la 21 après c'est Ayman Swekade qui revient pour que ça parle rien qui vérité allez où DJ qu'a parlé et massive qu'a écouté good boy DJ qu'a chaté les plaques à apprécier bad boy DJ qu'a crasé Kaila gabri dife, me depi foga pike, yeah, tout moun s'en foute. Bon si men lyrics culture ka fe le genon apren l'école, pas se ki yo en bakode, il nou fe passage pou fin la jol. A ben m'pons y krasé, yè konson yo kriye manko, montre que les gens pisse des malades, donc faudrait pas les bayo. Au fait à la sensibiliser les massifs, frère mouen, bay la théo, I'm in love with the coco, jusqu'à passer la radio. On me dit les cadou di joke, repasse moi la vase, bon accent. Farine gavane les gars qu'a fait combien haut Système d'Ala toujours que fait nous passer Pour dérouler mon panneau m'con ça M'en parle pour m'en payer ça Soutirer yo bah! Aucune connerie de raconter Au micro l'iris conscient toujours brillant Car les gars chante en tête yo On est n'importe qui rhythm C'est comme il chante Massive n'en danse langue ni pour coûter Lyrics à la zé pour payer Après s'avancer Un morceau qui nous ramène très loin et en même temps pas tant que ça, DJ Kapale de Strika. C'est le remix 2016 d'un titre qui est sorti il y a maintenant 20 ans et qui nous rappelle plusieurs choses. D'abord, il nous rappelle que le reggae dancehall, anciennement ragamuffin, et le hip-hop créole aussi sont des mouvements qui ont déjà une telle histoire qu'on peut se permettre de faire des reprises des classiques. DJ Kapale, pendant que le DJ parle, que le public écoute, que la salle s'enflamme, tout le monde aime, mais quand il s'agit d'appliquer, tout le monde s'en fout. Une lucidité que Strika avait déjà et qui nous rappelle que quand le ragamuffin est arrivé, le créole, les messages étaient vraiment centraux, ce qui semble assez loin du raga qu'on entend aujourd'hui en Martinique, où l'aspect festif a pris plus de place et la qualité des textes n'est pas forcément à relever. Il n'empêche, on se fait plaisir avec ce remix DJ Kapale, grand classique pour ma génération en tout cas. Et on va enchaîner avec un autre classique, cette fois du hip-hop créole. L'original est de Fok Lee, le morceau s'appelle Animar. Et là, dans sa dernière mixtape, le rappeur de Martinique, Specta, accompagné de Def G, en a fait une reprise Animar 2.0, cette fois adaptée de la Guadeloupe à la Martinique. Un très bon, très bonne reprise de Specta, on écoute tout de suite Animar 2.0. Ça, ça a mâché, on les futurs nous y ont craché. Potentiel nous j'a gâché. Certains qui chanté pour buzzer, certains qui ont clashé. En locafie, mes épandes, d'autres qui fait un qui craqué. Fait business en bas feuille, vinant c'est le moyen de résister. Maman, ich tout c'est la case parce que papa j'a désisté. Maman, j'a fatigué. Ou la café de hier, qu'a glandi en la rue, ou pas quoi l'école la te kei meye. Et encore, ça pas même évident, c'est filon qu'a palé. Coup de choc, ça vine trop évident, c'est physique à râler. En deux secondes, en ballant tête où t'es mal placé. Entretien pas qu'on pas embauché ou t'es mal rasé. Jeunesse la menacée, génération effacée. Ça passe ou ça casse, le plus souvent ça qu'a cassé. Pas qu'à plaire encore, parce que nous j'a connaître souffert. La haine rend aveugle et c'est pour ça dire en moins ouvert. Plus rutilique, pas comprendre où que y'a au paradis, les horrives matinées. Violence et physique, ça déplaise en plus rutilique, pas comprendre où que y'a au paradis, les horrives matinées. Allez, c'est oubli fucking vigile, oubli gérer femme facile, oubli veiller bagay moun pour jouer à ton business moun. Parler dit pédophile, parler dit makoumè, ou bien dit lesbienne, yo saba ou amon, foutre ou la jolie et puis en belle peine. Oubli ba moun CDD, sans embaucher au pli. Gros l'automoto, même si ou bien fauché au pi. Braque moun, à la sortie des lycées. Donne-moi ta chaîne, ta sacoche, tes baskets, ton iPhone aussi. Un maximum de problèmes, un minimum de solutions. Un maximum parole en gel, un minimum révolution. Un maximum qui paka, c'est via un chef d'état. Au pli tibouga dans gang, comprendre ses familles, au qui l'a au pi. F.O. bidon, qui RFO, qui M6 au pi. Joué soldat, ouais, tout ça, bah, en sel, 10 au pi. Neg laxiste, neg passif. Jis raciste, les palais moins du 6, 6, 6. Money, money, money, ma. Violence et physique, ça déplaise en plus rutilique. Money, ma. Pas comprendre où que y'a au paradis, les horrives matinées. Money, ma. Violence et physique, ça déplaise en plus rutilique. Money, ma. Pas comprendre où que y'a au paradis, les horrives matinées. Tout fait l'affaire, messieurs, mais ni bon dossier. Que jeunesse moins, pas vini là pour négocier. Promettre nous en l'eau, rien nous pas trouver. Job est ta fesse snack Elysée, mais c'est ça qui rete. Mais pas flipper, pas paniquer. La ni alternative pour les jeunes vini friquer. Dile ou voler, pas qu'à faire au paix. La ria c'est un film et c'est Timon Mayou qui acte. Mon pays, même Ada c'est un île. La grève 2009 en Maca cri inutile. Ça qu'a parlé en loyo ni la vie facile. Yo dit yo indépendant, tu seulement pour bago yo en style. L'émission touche à sa fin. Kodanobi Music Jeudi, consacrée au créole, l'écriture en créole. Et pour conclure, eh bien, on va aller chercher les mots d'une grande dame qui a dit les choses mieux que moi. Donc, je vais utiliser ces mots. L'article s'appelle « Écrire des textes et les chanter ». Elle l'a écrit en 2010. Il s'agit toujours de la chanteuse du groupe Kassav, Jocelyne Béroir. Je vais vous en lire quelques passages qui vont nous permettre de terminer l'émission. Et on va le faire sur un petit fond musical de Grégory Privat, Carbétienne, Rhapsody. Les textes de chansons d'Ina Césaire, ceux de Joby Bernabé, en créole ou français, me réjouissaient aussi et je rêvais d'en faire autant. Et de plus en plus, sentir l'âme du pays devenait capital. J'ai vite compris que pour exceller en écriture, il fallait maîtriser convenablement le choix des mots, la façon originale d'aborder un thème, et qu'en plus, comme il fallait en faire des chansons, nous devions faire attention aux sonorités des mots qui allaient épouser les mélodies. Lorsque j'ai commencé à chanter et écrire, il était hors de question de devenir Brel ou Piaf, mais il était important que je tente de trouver comment dire mes mots pour qu'ils sonnent et résonnent, touchent et en souchent, raconter mes histoires, nos histoires, notre histoire. Le choix de cette langue, ma langue, ta moins, ne veut pas dire que je dénigre le français, le rejette ou le critique, mais le français, qui nous l'avons prouvé pendant des années, n'ouvre aucune porte que l'autre veut maintenir fermée, réveille en moi des choses qui m'ont été enseignées sans avoir un rapport profond avec mon vécu. Pour moi, Max Rancé est quasiment le seul interprète de chez nous qui réussissait en chantant en français à garder son âme créole. Je veux garder toutes les vibrations de mon âme et ma langue me conduit de suite là où il faut que j'aille. Elle me donne les couleurs, les odeurs, la position dans le temps et l'espace, me permet de connaître, retrouver mon histoire, mon moi. Ce n'est pas un plaidoyer pour le créole, mais l'affirmation que mon être vit et vibre avec cette langue qui est mienne, que nous regardons s'appauvrir et disparaître sans que cela ne touche la majorité d'entre nous. Nous étions de la Martinique et de la Guadeloupe. Le choix des mots devenait vaste, et si « ave » ou « doudou » sonnait mieux que « épi » ou « doudou » dans une mélodie, on ne se posait aucune question. Chacun prenait ce qu'il voulait de l'autre. Nous étions plus riches. Nos textes parlent de nous. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? En Bachenla. Le nec marron est dans Balata Belbois. On y rend hommage. Otivelo. Etilaïe. Racontons nos voyages. Gorée. La vie du pays. Milan. Nos combats sous l'Ageyo. Nos amours. Kessa Levé. Belle Créati. Ave au doudou. Nos fausses routes. Mwendio Awa. Conquibine, nos traditions, cavaliers aux dames, nos départs, moins aller, nos retours, moins virer, nos douleurs, vinicérer, nos espoirs, etc. Ils sont en accord avec ce que nous vivons, pensons, mangeons, subissons, faisons, espérons, offrons. Tout peut être point de départ du moment que nous installons le texte dans notre vécu, notre culture. La plus belle chose que nous avons à raconter à l'autre, ce sont nos mots, et avec notre langue. Ils nous parlent directement, mais si on traduit les textes, il ne s'agit que de la vie, ils deviennent universels. Ils ne sont pas universels uniquement lorsqu'ils prennent les choses de l'autre pour qu'ils s'y reconnaissent, en oubliant qui nous sommes, mais avec la simple conscience que nous sommes des hommes et des femmes comme les autres. Et nos histoires sont des histoires d'hommes et de femmes qu'on peut retrouver partout, avec des déclinaisons différentes. Ces tournures différentes sont liées à la culture et véhiculées par la langue. Et une traduction, pour être belle et adaptée, ne se fait jamais littéralement, mais en pleine connaissance de l'autre langue, des tournures, des expressions, des proverbes et traditions. Simplement parce que la culture d'un peuple, son histoire, ses émotions et sentiments sont liés à sa langue et ne font qu'un. Nul besoin de dire tout ce qui meurt avec une langue qui disparaît. Jocelyne Béroir. C'était Konolombi, Musique Jeudi, premier dimanche de chaque mois. Je vous retrouve au mois de novembre et on vous dit, écoutez Musique Créole, matchez Musique Créole et à bientôt.